fermer, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge, t'en fais pas. Les torts fermer, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge, t'en fais pas. Je viens de faire tomber une tête à qui le tour. Certains rêvent de ma fin, je fais trop de lourd. N'attends pas ma dépouille, jette-moi au trou. Même après des années, j'aurai bon goût. Coucher avec moi, plus tous les tours. Ma main est ferme dans ce gant de velours. J'arrive en Guyane, dis à vos tours. De préparer la soupe, j'ai une faim de loup. Je joue avec les mots, tu comprendras après. À chaque MC son flow, à chaque traplo sa raie. Injustice sur négro, y'en a plein. Justice pour Théo et Adama. Les portes fermées, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge, t'en fais pas. Les portes fermées, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge, t'en fais pas. Les faire devenir fous, leur jouer des tours. J'essaie de marcher droit dans mon détour. Pas besoin de leur permission. La main porte des diamants sans leur télévision. Toi, pas les handis, c'est bien pire que ce qu'on t'a dit. Trois fois plus de bandits que de gens bien dans ma vie. On s'en sort mal pour tout ça. Justice pour Théo et Adama. Sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Repose-toi, papa s'en charge, t'en fais pas. Les portes fermées, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Propose-toi, papa, sans charge. Les portes fermées, faire du sale, va de soi. À grand coup de pied, j'fais une place, croyez-moi. Les torts causés font du mal chaque soir. Propose-toi, papa, sans charge, t'en fais pas.